il y avait une grande affluence d'auditeurs le 14 janvier 1862 à la séance de la Société Royale Géographique de Londres pour entendre le docteur Samuel Fergusson. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Samuel Fergusson, à 22 ans, avait déjà fait son tour du monde et, quand il revint en Angleterre vers 1850, il était plus que jamais possédé du démon des découvertes. C'était le type du parfait voyageur, dont l'estomac se resserre ou se dilate à volonté. Pendant ces divers voyages, Samuel Fergusson fut le correspondant le plus actif et le plus intéressant du Daily Telegraph, dont le tirage par jour suffit à peine à plusieurs millions de lecteurs. Aussi le connaissait-on bien. Mais Fergusson se tenait toujours éloigné des corps savants, étant de l'église militante et non bavardante. Il se disait poussé plutôt qu'attiré dans ses voyages. « Je ne poursuis pas mon chemin, » disait-il souvent, « c'est mon chemin qui me poursuit. »